الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nous sommes le 9e jour du mois de Safar de l'année 1435, correspondant au jeudi 12 décembre 2013. Nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce soir, l'étude Al-Qawa'id Al-Arba'a. La semaine passée, nous avions cité une introduction. طيب, المؤلف, كما تعلمنا جميعا, هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد من بني تميم رحمه الله تعالى مكمل سابتوس لتاء محمد بن عبد الوهاب المجدد العلامة المصلح رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله الشيخ كان ناصحا أعظم نصيحة في باب التوحيد والدعوة إلى تحقيقه وفي التحذير من الشرك وبيان لتاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى était un grand savant, un grand conseiller pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement dans l'enseignement de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et la démonstration de son importance, sa grandeur et sa valeur. Tout comme il fut très attaché à la mise en garde contre le polythéisme, sa gravité et son caractère dévastateur. وهذا وفي هذا سلك منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كانوا دعاة إلى توحيد الله رب العالمين قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت et le chemin qu'il a emprunté dans cette grande mission est le chemin des prophètes et messagers. Allah nous dit dans son livre, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah et éloignez-vous du Tarout. Donc, après avoir étudié, compris le Tawhid et son importance, après avoir vu la gravité du polythéisme, il a conseillé ses frères, il a conseillé la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وألف رسائل كثيرة معظمها في هذا الباب ومن هذه الرسائل الصغيرة الحجم العظيمة أو العظيمة النفع ما بين أيدينا القواعد الأربع L'auteur a écrit de nombreux ouvrages. Et il a beaucoup écrit dans le domaine du monothéisme. Le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Et parmi ses écrits, il y a le livre qui est entre nos mains, Les Quatre Fondements. C'est un livre qui est court et petit quant au nombre de pages, mais qui est immense quant à son importance et son bénéfice. وَقَدْ مَدَحَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ الْقَيِّمَةَ يَقُولُ الْإِمَامُ الْمُفْتِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في مقدمته للقواعد شرح القواعد الأربع هي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبس عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهل بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك رحمه الله تعالى. Les savants ont montré l'importance de l'étude de ce livre et sa grande valeur. L'imam Ibn Baz رحمه الله تعالى nous dit que ce livre contient des règles très importantes. Et celui qui les comprend et les maîtrise aura bien compris et bien saisi la religion du polythéisme et la religion du monothéisme. Et la plupart des gens n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris la distinction et la limite qu'il y a entre les deux. C'est pour cela, donc par manque de compréhension, qu'ils se sont mis à adorer les tombeaux et ceux qui sont enterrés parmi les morts, les gens pieux, les pierres, les arbres, en dehors d'homme, en pensant être sur quelque chose, en pensant faire du bien. La cause de tout cela est leur ignorance de la réalité du monothéisme et de la réalité du polythéisme. الشيخ عبد الرزاق البدر ابن عبد المحسن حفظهما الله قال لا غنى لأي مسلم عنها في باب معرفة التوحيد والشرك. عبد الرزاق حفظه الله تعالى dit aucun musulman ne peut se passer dans le domaine du tawhid et du shirk et de la distinction entre les deux de ce livre. Naam qala al-shaykh la ghina li ayyi muslimin anha fi bab ma'rifati at-tawhid wa ash-shirk wa bayna al-haqq wa al-batil fa min a'zami ad-darurat wa ashadd al-hajat allati yanbaghi li kulli muslimin al-inayah biha an ya'rifa hadhihi al-qawa'id al-kibar. Kachir Abd al-Razzaq, Allah Ta'ala, nous dit « Aucun musulman ne peut se passer de cette épître dans la connaissance de l'unicité, du polythéisme et la distinction qu'il y a entre la vérité et le faux. » Et particulièrement à cette époque, les gens sont dans le plus grand besoin de comprendre ces règles. Et les a qualifiées comme étant de grandes règles immenses. Naam. Tout cela pourquoi, chers frères? Pour nous montrer l'importance de ce livre que nous avons entre nos mains. وَمِنْ وَهَذِي الْمَجَالِسِ مِنْ فضل الله تبارك وتعالى عليه حيث نتفقه فيها بمعرفة وفي حقي فالحمد لله. Tout cela pour comprendre l'importance de l'étude de ce livre. Car ces assises font partie des grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Nas'Allah yarzuqana shukr. Allah nous accorde la reconnaissance. Amma ismul kitab al-qawa'id al-arba. Concernant le titre du livre, c'est les quatre fondements. Al-qawa'id jam'u qa'ida wa huwa al-asas. Wa huwa al-asas. Arba'a li'annaha arba'a. Et le chiffre 4, car dans cet épître, il a cité quatre fondements. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالبسملة كعادة المصنفين اقتداء بكتاب الله العزيز واتباعا لأثر سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة وأفضل التسليم فكان ماذا كتبه مصدرة بالبسملة كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان طيب لما راسل هرقل قال من محمد قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم وهكذا في حديث صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم طيب. Donc l'auteur a commencé par la basmala. Adam, ma ma'ana al-basmala. C'est quoi la basmala? Quand on dit al-basmala, ça signifie quoi? Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. Le contrôle, faut que tu aies la mère en homme. Un cadeau particulier pour toi. Inch'Allah. Taïb. Donc, l'auteur a commencé par la basmala, afin de prendre exemple et de suivre le Coran. Première chose que tu trouves lorsque tu ouvres le mushaf, l'Uthmani, al-Basmala. Tayyib. Aussi pour prendre exemple et suivre les traces de notre noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier, lorsqu'il envoyait des lettres aux rois, aux gouverneurs et aux gens pour les appeler à l'islam, il commençait à dicter la Basmala. Comme dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Hadith d'Abu Sufyan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Hirakl, il a commencé par dicter Bismillahirrahmanirrahim de la part de Muhammad, le messager d'Allah. Puis il l'a appelé à l'islam. Naam. Aïd, thumma ba'da dhalik, talaban, لعون الله تبارك وتعالى لأن البسملة طلب العون الباء في البسملة باء الاستعانة باء الاستعانة وهكذا تبركا بالبدء بذكر أسماء الله تبارك وتعالى aussi pour rechercher l'aide d'Allah تبارك وتعالى dans cette grande action qu'il entreprend de prêcher et d'appeler les gens au tawhid. Ani bismillahi aktub. D'accord? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et selon l'action que tu entreprends, le verbe sera sous-entendu. Taïeb. Ici, c'est l'écriture de ce livre. Donc, bismillahi aktub. Si c'est avant de manger, bismillahi akul. Si c'est avant de sortir, bismillahi akhruj. Taïeb. Lianna al-jara wal-majrur. متعلق بمحذوف وهذا المحذوف فعل مقدر نعم مناسب طيب مناسب طيب ثم دعا لمن أقبل على هذه الرسالة دعا لكم ولغيركم مما يتعلم العقيدة ويبحث عن الحق فقال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé ensuite par, ou a cité ensuite, des invocations magnifiques. Des invocations pour chaque personne à la recherche de la vérité. Des invocations pour chaque personne étant à la recherche de la vérité et de la connaissance. Il dit, je demande à Allah, le généreux, Seigneur du trône immense, qu'il t'assiste ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Qu'il te bénisse où que tu sois et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, de patient lorsqu'il est touché par une épreuve et qu'il demande pardon lorsqu'il commet un péché. Et certes, ces trois choses sont le signe de la réussite, le signe du bonheur. قال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم هذا توسل. Ici l'auteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son nom Al-Karim et par l'intermédiaire de Rabbul Arsh Al-Azim, du maître du trône immense. الكريم اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة الكرم. الكريم est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indique l'attribut de Al-Karam, la générosité. Et c'est un attribut qui englobe un bon nombre de sens. Car certains attributs nous indiquent un sens, d'autres attributs nous indiquent plusieurs sens. Al-Karim ici nous indique plusieurs sens. Ça nous montre celui qui a la perfection dans ses attributs, celui qui a la perfection dans la générosité aussi, et d'autres sens tous sublimes. Rabb al-Arsh al-Azim, Seigneur et Maître du trône immense. Thumma tawassala bi rububiyyati Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالله هو الخالق المالك الرازق المدبر لشؤون خلقه. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est notre créateur, notre maître, notre propriétaire, le gérant, celui qui administre l'ensemble de nos affaires. Ben, l'auteur a cité cela. Et il a cité tout particulièrement la seigneurie d'Allah quant au trône immense. خَصَّ هُنَا بِذِكْرِ الْعَرْشِ لِأَنَّ الْعَرْشَ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَثْقَالُهَا وَأَرْفَعُهَا. Ici l'auteur, rahimahullah, a cité tout particulièrement la seigneurie d'Allah sur le trône, car le trône est la créature d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est la plus immense, la plus lourde. Wa saqful makhluqat, al-arsh, c'est le toit de la création. Al-arsh, c'est le toit et le sommet, na'am, de la création. ووصف العرش بالعظمة وبالمجد وبغير ذلك في النصوص. Et ce trône a été décrit comme étant immense dans les textes. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء الكرب مثلا قال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait de même lorsqu'il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala pour dissiper la tristesse et dans les situations de difficulté. Il disait, nulle divinité n'est digne d'être adorée. Le Seigneur du trône est immense. Nulle divinité n'est digne d'être adorée. Le Seigneur des cieux et le Seigneur de la terre. Et le Seigneur du trône sublime. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana tawassal bihadisi. Donc il citait cet attribut afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle at-tawassul. Tu cites des choses avant de porter ton besoin chez Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل a une partie qui est légiférée et une partie qui est interdite. La partie qui est légiférée, c'est le fait d'invoquer Allah par l'intermédiaire de ses noms. Comme l'a fait ici l'autre. Allah nous dit dans son livre, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Invoquez-le donc avec. Tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'une bonne action que tu as faite. Comme dans le hadith des trois qui étaient en voyage, puis un rocher a Hamada plu, puis il a plu, ils sont abrités dans un endroit et un rocher a Hamada bouché cette sortie. Ils ont chacun invoqué par l'intermédiaire de leurs bonnes actions. Voyez. Le troisième type de tawassul mashrou' c'est bidoua'i al-rajul salih. Al-Hayy, Al-Hadir, Al-Qadir. La troisième sorte de tawassul, d'accord? Tawassul, c'est quoi? C'est le fait de prendre un intermédiaire dans ta demande, d'accord? De citer une chose avant de demander ton besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Ici, le dernier point qu'on cite pour le tawassul, c'est de demander à quelqu'un de pieux de faire dua pour toi. Faites de demander à quelqu'un de pieux de faire dua pour toi. S'il est vivant, s'il est présent, et s'il est capable. Voyez, s'il est vivant, présent, et capable. Il n'y a pas de mal à demander à Mada à ce qu'il fasse dua. Ici, on voit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc cité la seigneurie particulière d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le trône immense. Quelle est la sagesse d'avoir fait cela? Car en citant la créature la plus immense, tu as présent dans ton cœur de l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sa grandeur, de sa domination. Donc, en méditant la grandeur des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, tel le trône, ben tu vas te rappeler toi de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le trône, c'est la créature la plus immense. Et si Allah est le maître et le seigneur du trône immense, à plus forte raison, c'est le seigneur et le maître de tout ce qu'il y a en dessous. Celui qui possède le trône est parfaitement capable de t'accorder tout ce que tu lui demanderas. Donc tu t'humilies devant Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le Seigneur de la créature la plus immense. Tu te rappelles sa grandeur pour lui demander ce qui se trouve en dessous de ce trône immense. Donc celui qui possède une chose aussi lourde et dont la charge ne lui cause aucune peine, comment est-ce qu'il pourrait être rendu à l'incapacité? Allah, Rabbul Arsh, Al-Azim, fahuwa ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jal est parfaitement omnipotent. En plus de cette toute puissance, de cette maîtrise parfaite, huwa karim, il est généreux. Donc, tu lui demandes. Naam. Quelle est la chose qui est demandée ici? Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. La première invocation. L'auteur demande à Allah de nous assister dans ce bas et dans le bas. Al-walaya, le rafad, asluha, al-qurb. Ce mot-là, dans la langue arabe, à la base, veut dire la proximité. Wa shara'an, comme a dit Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, al-qurb ma'al-mahabba. C'est le fait d'être proche, mais en plus de ça, il y a l'amour. Al-wali, huwa al-muhib al-qarib. Donc, al-wali, c'est celui qui est proche de toi et que tu aimes, ou dont tu es proche et qui t'aime. Voilà. Et ça englobe un grand nombre de sens. هذا الذي ذكرت هو الأصل فإلا يشمل أكثر من هذا طيب فدع الله سبحانه وتعالى أن يكون أن تكون من أوليائه كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور Allah nous dit dans le Coran, Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. قال ابن جرير رحمه الله تعالى ونصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيق إذن ما معنى هذا الدعاء أي دعا الشيخ الله سبحانه وتعالى أن يتولك أي أن يعينك ويهديك ويوفقك ويسددك ويقربك منه ويحبك Donc le sens de cette dua est donc Naam, je demande à Allah de te rapprocher de lui et de t'aimer. Faire en sorte que tu sois proche de lui et du nombre de ses bien-aimés. Je lui demande de t'accorder la guider, de te préserver sur le bon chemin, de te raffermir sur la vérité. De te préserver des chemins de l'égard. Ça englobe tous ces sens. في الدنيا هذا الذي ذكرت لكم بحفظه وبتوفيقه وبتسديده وما إلى ذلك بالعلم النافع وبالعمل الصالح طيب وبدفع مكائد الأعداء عنك ça c'est dans ce bas monde. وفي الآخرة بأن يحفظك من أحوال القيامة dans ce bas monde c'est ce que je vous ai cité et dans l'au-delà le fait qu'Allah Azza wa Jal te préserve de la grande difficulté de ce jour des châtiments de ce jour بإنقاذك من النار وبإدخالك الجنة Demande Allah Azza wa Jal qu'il te préserve de l'enfer et qu'il te fasse entrer au paradis. Na'am. Wa a'zamu an-ni'am an-nazar ila wajhi Allah al-karim. Et le plus grand bienfait est le fait de regarder et de contempler le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la première invocation. La deuxième invocation, wa an yaj'alaka mubarakan ayna ma kunt. Qu'il fasse de toi une personne bénie, où qu'elle soit. Non. Al-baraka, l'oratan, al-baraka, al-thubut wal-luzum. C'est le fait qu'une chose soit stable et ancrée. Le fait qu'une chose reste stable et ancrée. Wa minhu al-birka. C'est pour cela qu'on a appelé la flaque d'eau, al-birka. L'istiqrar al-ma fi. طيب car l'eau stagne نعم وشرعا البركه ثبوت الخير الإلهي في شيء، ثبوت ودواء الخير الإلهي في شيء. Et dans la religion, la bénédiction, c'est un concentré de bienfaits divins, donc donnés par Allah, qui reste dans une chose. D'accord ? C'est un concentré de bienfaits que met Allah dans une chose. D'accord ? Ça peut être dans une personne, ça peut être dans un temps, ça peut être dans un endroit. Naam. Dans une chose. Wahuna نبه الشيخ أن هذا بيد الله فقال أن يجعلك. Ici le Cheikh demande à Allah de te rendre ainsi, car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder la bénédiction dans une chose. Al-baraka min Allah. La bénédiction ne se demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et nul autre que lui ne peut l'accorder. Wadih, tu n'as pas le droit de demander la bénédiction avec Allah, sinon tu tomberas dans le polythéisme. أعاذنا الله وإياك من هذا. والرجل المبارك من هو؟ أي عالما بالخير، صالحا في نفسه، معلما للناس الخير، مصلحا في غيره. الرجل المبارك la personne qui est bien, c'est celle qui a connu le bien, qui s'est donc réformée, puis qui a enseigné aux autres le bien. Ainsi il les réforme. Wadih? Ar-rajul al-mubarak huwa alladhi ta'allama huwa alladhi 'alima al-khayr fa aslaha nafsahu thumma 'allama an-nas. Iya. Wa shaykh qala ayna ma kunt? Où que tu sois. Al-shaykh demande à Allah de faire de toi quelqu'un du bien. Quelqu'un qui connaît le bien, et la tête du bien, c'est le tawhid, qu'il l'applique lui-même et qu'il l'enseigne et en fait profiter les autres où qu'ils soient. Que tu sois chez toi, au travail, en voyage, au masjid. À chaque fois qu'une personne te rencontrera, elle tirera profit de l'instant passé en ta compagnie. Si tu es comme cela, fa anta mubarak. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois jeune ou âgé, même un enfant, fa anta mubarak. Tayyib. Et vous vous souvenez, dans l'étude de la Risala d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, il a commencé par cela. Tayyib. Comment s'appelait le frère à qui il a envoyé cette lettre? Hein? ما أحد يذكر علاء الدين. علاء الدين. طيب. قال ابن القيم إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. ابن القيم رحمه الله تعالى نجيه. Que la bénédiction de la personne, c'est quoi? C'est dans quoi? C'est dans le fait qu'elle enseigne aux gens le bien. Où qu'elle se trouve. Quel que soit l'endroit dans lequel elle se rend, elle fait profiter les autres de son bien. Elle conseille les gens. Et toute personne qui la rencontrera. Et dans un autre livre, Cheikh Abdul Razak Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit, qu'Ibn al-Qayyim a dit qu'on conditionne pour que tu sois mubarak qu'il n'y a pas un endroit où tu passes ou une personne que tu rencontres sans lui être profitable. À ce moment-là, on dira de toi wadih. Donc à chaque fois que tu invites quelque part, à chaque fois que tu invites quelqu'un, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il tirera profit de toi au moins une faïda. Au moins une faïda, fin ta mubarak, inshallah. Et avec cela, wallahi, nulle place pour la médisance. Nulle place pour les péchés. بإذن الله. الله المستعان. Et cela comprend aussi que tu sois Moubarak dans ta santé, dans tes biens, tes enfants, ta famille et ce que tu possèdes. Donc c'est une doua azim. طيب. Puis, il demande à Allah Azza wa Jal de t'accorder les bases du bonheur. Ils sont nombreux de trois. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْتِيَ شَكَرْ. Nous sommes à combien d'invocations de notre noble cheikh, rahimahullah? C'est la troisième, ça? Ou non? C'est la troisième. Na'am. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْدِيَ شَكَرْ. Il demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de toi une personne qui à chaque fois qu'elle reçoit un bienfait se montre reconnaissante. Ça y est. أَشُكْر. الشكر يكون باللسان بالقلب وبالجوارح. La reconnaissance devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala se témoigne à l'aide de la ماذا se met en pratique à l'aide de la langue, du cœur et des membres. Ça y est. وقد عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فقال هو ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراف. هو ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, la reconnaissance est le fait de faire apparaître les bienfaits d'Allah sur notre langue, ou bien sur la langue du serviteur, en faisant ses éloges. Afwan. Avec son cœur, en reconnaissant que ce bienfait émane de lui et en l'aimant davantage pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas reconnaître que tel bienfait vient d'Allah, tu vas l'aimer pour ce bien. وَعَلَى جَوَارِحِ إِنْ قِيَانًا وَطَاعَةً. Et avec tes membres, avec la soumission et l'obéissance. Donc la reconnaissance se met en pratique avec combien de choses? Ala tushuk thalath. Donc les outils de la reconnaissance sont de trois. D'accord? Premièrement, tu te rappelles du bienfait. Tu as connaissance du bienfait. Et tu reconnais avec ton cœur que ce bienfait-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné, nul autre que lui. قال الله وما بكم من نعمة فمن الله. Il n'y a pas un bienfait sans que celui-ci vous vienne d'Allah. Deuxièmement, avec ta langue, tu cites ce bienfait. Tu dis Alhamdulillah, Allah m'a accordé ça. Pas pour te vanter, mais en signe de soumission et pour montrer que c'est Allah qui te l'a donné, pour te montrer reconnaissance. قال الله وأما بنعمة ربك فحدث. الله nous dit dans le Coran de proclamer ماذا le bienfait de ton Seigneur. Puis avec tes membres, tu vas utiliser ce bienfait à la recherche de l'agrément d'Allah dans son obéissance. واضح. Donc آلة الشكر ثلاثة. Et Allah Azza wa Jal a uni tout cela dans un verset en disant اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Allah Azza wa Jal a ordonné à la famille de Daoud de se montrer reconnaissant. Ici le Fayrouz Abadi rahimahullahu ta'ala nous dit que ça englobe le cœur, la langue et les membres. Puis il a expliqué cela. Na'am. Et si tu te montres ainsi reconnaissant devant les bienfaits d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera une grande récompense. Et parmi ces grandes récompenses fi dunya, c'est qu'il va maintenir ce bienfait sur ta personne. Taqyidu ni'am bi shukriha. Et augmentera sur toi de ses biens. قال الله وإذ تأذن ربكم لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah nous promet dans le Coran que si nous montrons reconnaissant, il nous augmentera de ses bienfaits. نعم. وحكم الشكر على النعمة واجب. Et c'est obligatoire de se montrer reconnaissant devant les bienfaits d'Allah. La doua suivante, نعم. وَإِذَا بُتُولِيَ صَبَرْ وَإِذَا بُتُولِيَ صَبَرْ. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de toi quelqu'un qui, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il a un test, un examen fait de dunya, qu'il soit endurant. Qu'il soit endurant. Al-ibtila, al-bala, wal-ikhtibar, wal-imtihan. Taïeb. Donc dans ce bas monde, tu es éprouvé. Tu es éprouvé par les bienfaits. Mais tu es aussi éprouvé par les maux, le malheur, la maladie, la perte d'un proche, la pauvreté, la difficulté et toutes sortes d'épreuves. Quel comportement dois-tu adopter dans cette situation? On a vu que dans le bienfait d'Allah Azza wa Jal, l'adoration qui est demandée, c'est al-shukr. Dans l'épreuve, l'adoration qui est demandée, c'est al-sabr. Wa hukm al-sabr wajib. Falnu'arif al-sabr. Al-sabr lughatan al-habs. L'endurance dans la langue arabe, c'est l'emprisonnement. Voyez. L'endurance dans la langue arabe, c'est l'emprisonnement. Wa shar'an. Et un qasimu ila thalathati aqsam. Et dans la religion, l'endurance se divise en trois. Voyez. Habsu nafsi tayyib. Al-qism al-awwal sabrun fi ta'atillah. Al-thani sabrun 'an ma'siyatillah. الثالث صبر عند أقدار الله المؤلمة. Donc l'endurance se divise en trois. Tu dois te montrer endurant dans l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire être constant. Tu dois te montrer endurant devant la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire faire des efforts pour ne pas tomber dans le péché ni transgresser. Troisièmement, être endurant lors du décret d'Allah, lors de l'épreuve et la difficulté. Et les savants ont défini la troisième forme d'endurance en disant habsu an-nafs 'an al-jaza' wa at-tasakhkhut wa habsu al-lisan 'an ash-shakwa ila ghayrillah wa habsu al-jawarih 'an at-tashwish. Donc les savants ont défini l'endurance lors du malheur et de la difficulté en disant c'est le fait d'emprisonner son cœur contre toute révolte. C'est-à-dire devant ce qu'Allah a décrété. D'accord? Emprisonner son cœur contre toute colère et révolte devant le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Emprisonner sa langue contre toute mauvaise parole et plainte à autre qu'Allah. Emprisonner sa langue contre toute plainte évoquée à autre qu'Allah. Naam. Puis, emprisonner ses membres contre toute mauvaise action. Comme se déchirer les vêtements et se taper le visage. D'accord? Donc la personne avec son cœur n'a pas le droit d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala hors du malheur. Elle retient son cœur pour ne pas penser du mal. Avec sa langue, elle ne prononce pas de mauvaises paroles. Et avec ses membres, elle ne fait pas d'action qu'Allah n'aime pas. Ce niveau-là est obligatoire. As-sabr al-bala wajib. Allah nous a ordonné l'endurance dans le Coran. Wasbiru inna Allah ma'a as-sabir. Soyez endurant, Allah est avec les endurants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et il y a le consensus sur l'obligation d'être endurant. Et les gens devant les épreuves se divisent en plusieurs catégories. La catégorie qui est blâmable, ahlut tasakhut, ceux qui se révoltent lors du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, se mettent en colère devant ce qu'Allah a décrété et n'acceptent pas l'épreuve provenant d'Allah, al-Hakim, al-Alim, subhanahu wa ta'ala. Puis, il y a ceux qui ont rempli leur obligation. Le deuxième niveau, c'est as-sabr. Donc, c'est dur pour eux. D'accord? Ils auraient voulu éviter cette épreuve, mais ils n'ont pas pensé de mal, n'ont pas dit de mauvaises paroles et n'ont pas fait de mauvaises actions. D'accord? Le niveau au-dessus, Ahlul Rida, les gens qui ont agréé cette épreuve. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits qu'Allah ait décrété cette épreuve sur eux. Après avoir fait ce qu'ont fait les gens du deuxième niveau. Et il reste une étape supérieure, qui est l'étape de l'élite parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu shukri ala al-bala. Ce sont ceux qui remercient Allah, se montrent reconnaissants envers Allah d'avoir décrété cette épreuve sur eux. Ça, c'est un niveau. Et un niveau qui est très élevé. C'est-à-dire que tu as un malheur dans ta vie et tu dis Alhamdulillah. Tu remercies Allah Azza wa Jalla. Tu loues Allah pour avoir décrété cela. De par la conviction ferme qui habite ton cœur quant à la sagesse d'Allah dans son décret. Et quant au fait que si tu réussis cette épreuve, tu sais qu'Allah va transformer cette épreuve en un bienfait pour toi. Ce sont les gens qui sont tellement concentrés sur la récompense et la promesse d'Allah qu'ils aperçoivent dans l'épreuve la récompense et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est une histoire d'une personne qui s'est fait mordre le doigt, ou je ne sais pas comment on dit, piqué par un scorpion. Voyez, il a dit Alhamdulillah. Les gens lui ont dit, comment est-ce que tu peux dire ça alors que voici l'état de ton dos? Il a répondu, lorsque je me rappelle et je pense à la récompense qu'Allah a préparée pour les endurants, ça me fait dire cela. Ah, ok. Non. Donc la personne qui est éprouvée, elle doit essayer de rentrer dans ces catégories. Mais au minimum, ne pas descendre en dessous de l'endurance. Quelle est la différence entre le deuxième et le troisième degré? C'est que dans le troisième degré, la personne agrée cette épreuve. Elle est satisfaite de sa situation. Alors que les gens de l'endurance, d'accord, c'est difficile pour eux. D'accord? C'est difficile pour eux. Ils ne voient pas forcément le bien dans cela pour agréer cette épreuve. Mais ils sont à un niveau en dessous. Ils ne disent pas de mal, ne pensent pas de mal et n'agissent pas avec une action contredisant la bonne voie. Non. L'auteur donc demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que tu sois endurant lors de l'épreuve, que tu fasses partie de ceux qui réussissent donc leur examen. Et nous avons cité le fait dans la définition de l'endurance lors du décret éprouvant pour le serviteur, mada le fait de ne pas se plaindre à autre qu'Allah. Pourquoi est-ce que les savants ont spécifié et ont ajouté à autre qu'Allah? لأن الشكوى أو الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. Car le fait de monter son problème chez Allah ne contredit pas la patience, ni l'endurance. Le fait de dire « Ya Allah, j'ai une douleur, guéris-moi. Ya Allah, mon enfant est malade, guéris-le. Ya Allah, j'ai tel problème, donne-moi ça. Ya Allah, je suis pauvre, enrichis-moi. » Tu te plains, Allah, Azza wa Jalla, de ta situation et tu l'invoques. Cela ne contredit pas. Mada, l'endurance. Pour preuve, concernant Ayyub alayhi salam, قال الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Dans Sourate Sad, Allah Azza wa Jal fit les éloges de son prophète endurant Ayyub alayhi salam. Vous savez tous là qu'il a été malade de nombreuses années. طيب. Donc il l'a qualifié comme étant endurant. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Anbiya, nous dit وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et lorsque Ayyub nous invoqua, ou invoqua son Seigneur, pardon, en disant le mal m'a touché. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc on voit qu'Ayyub alayhi salam s'est plaint à Allah de cette difficulté. Et malgré cela, Allah l'a qualifié comme étant endurant. Comme étant endurant. Un autre exemple, l'exemple de Yaqub, Abu Yusuf alayhi salam. Vous savez tous la lourde épreuve qu'a subi le père de Yusuf alayhi salam avec la perte et la séparation de Yusuf, puis de son deuxième enfant, Benyamin. Tayyib. On nous cite dans le Coran, donc dans Sourate Yusuf, « Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. » Donc Allah Azza wa Jalla nous cite que Ya'afou s'est plaint de sa tristesse à Allah. Tayyib. Et dans l'autre verset, « Fasabrun jamil. » Alors j'endurerai de la plus belle manière. As-sabr al-jamil ma huwa? As-sabr bidun shakwa. Ila ghayri. Tayyib, jam'an bayna al-adillah. Tayyib. Donc Yaqub s'est plaint à Allah de là, ou bien n'am Yaqub s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala de cette grande difficulté, de sa tristesse lorsqu'il a perdu ses enfants. Et madha dans un autre verset, il a dit Fasabru jamil, j'endurerai de la plus belle façon. Les gens du tafsir ont expliqué, Ibn Taymiyyah aussi a cité, que Fasabru jamil, c'est endurer sans plainte, sans se plaindre. Voyez, na. Voyez. Voici pour le deuxième point, ou pour le na'am. Le quatrième, le cinquième point, la cinquième doua de l'auteur. Donc nous ne sommes même pas encore entrés dans le vif du sujet. Ça. Et l'auteur a déjà fait cinq da'awa mubaraka azima lakum lan wa liman qara'a hadhihi risala. Donc ça vous montre, subhanallah, la shafaqa, la rahma, et l'autre qu'il avait envers les croyants. Et combien il était soucieux de les guider à travers ses écrits. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahab, al-Firdaus al-A'la min al-Jannah. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala na yajma'ana ma'a. Wa ma'a al-anbiya'i wa siddiqi. Wa shuhada'i wa salihi. Avec toutes les da'awat mubaraka que l'auteur a fait pour nous, huqqalana an nad'a lahu, avec toutes ces invocations par lesquelles on est passé dans l'usul thalatha, et puis maintenant dans le qa'id al-arba', tayyib, maintenant qu'il est mort, rahimahullah, à nous de faire du'a pour lui, à nous de faire du'a pour lui, car il nous a fait un grand bien avant notre venue au monde. à nous maintenant de lui faire un grand bien en faisant dua pour lui après qu'il ait quitté ad-dunya. Wallahu musta'an. Donc, le dernier point, wa idha aznaba as-saf. Il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de toi une personne qui, à chaque fois qu'elle tombe dans le péché, demande pardon à Allah. Demande pardon à Allah. Voyez. Wa al-istighfar, talab al-maghfir. Al-istighfar, la demande, yani al-istighfar, ce mot signifie talab al-maghfir. Fait de demander, donc, le pardon. Ghafara, hadi al-madda tadullu على الستر والتغطية كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى وزاد العلامة ابن القيم الوقاية donc cette base غفرة d'accord qu'on trouve dans le mot demander pardon c'est un mot qui signifie le fait de cacher une chose et de la couvrir de cacher une chose et de la couvrir. Et Ibn al-Qayyim a dit, il faut absolument rajouter un autre point, qui est al-wiqaya, la protection. La protection. Car par exemple, al-mighfar, le casque qu'on porte dans la guerre, d'accord? On l'appelle ainsi, on retrouve la base, d'accord? Ghafara. Il couvre la tête, cache la tête, et la protège des coups. Ça, et la protège des coups de l'ennemi. Mais par contre, elle est imam, hein, couvre la tête, cache la tête. Mais on ne peut pas l'appeler ainsi. Car elle ne protège pas de cela. Voilà. Donc, cette base nous indique le fait de cacher, de couvrir, mais aussi de protéger. Ça a une importance car ça va se refléter dans la définition religieuse. Donc, lorsque tu dis Astaghfirullah, hein, les adhkar, c'est muhim jiddan de comprendre les adhkar et ce que nous disons. Hadhihi kalima azima jiddan. Astaghfirullah, c'est un mot qui peut être la cause de ton entrée au paradis et d'être préservé du feu de l'enfer. Tu dois comprendre ce mot-là et tu as l'obligation de le dire. Donc, lorsque tu dis Astaghfirullah, tu demandes trois choses à Allah tabarak. Mahou al-dham. Tu demandes qu'il t'efface ton péché. Tatlubu min Allah subhanahu wa ta'ala sitrahu. Wa mahwa mahamada al-dham. Wa al-wiqaya min athari al-dhunub al-sayyi'a. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te cacher le péché. Cacher ton péché. Couvrir ton péché. Afin que ces créatures n'en aient pas connaissance. Qu'il te préserve donc ainsi en cachant ce péché pour pas qu'on en ait connaissance. Aussi, lorsque tu dis Astaghfirullah, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'effacer ce péché. Qu'il n'apparaisse plus. Ni fi dunya, ni yom al-qiyam, on te l'efface. Et troisièmement, tu demandes à Allah de te préserver, de te protéger des effets néfastes très graves découlant des péchés du serviteur. Subhanallah. Donc lorsque tu dis Astaghfirullah, ça comprend tout ça. Tu dis Ya Allah, cache mon péché afin que les gens n'en aient pas connaissance. Ya Allah, efface-moi ce péché. Ce péché qui t'alourdit dans ce bas-monde et qui peut t'alourdir dans l'au-delà. Et tu demandes, Ya Allah, préserve-moi des effets des péchés. Quel effet, par exemple? Ibn Abbas, rahimahullah ta'ala, nous dit, Inna al-hasanata nuru diya'un fil wajh wa nurun fil qalb. وقوة في البدن وساعة في رزق ومحبة في قلوب العباد. Ibn Abbas nous dit, certes la bonne action illumine le visage, rend le visage resplendissant, met une lumière dans le cœur, une force dans le corps, augmente la subsistance. Et de ce fait, les serviteurs d'Allah, ça met l'amour des gens dans ton cœur. Ça met dans le cœur des gens leur amour pour toi. Puis il continue en disant, wa inna dhunub dhulmatan fil wajh wa sawad fil qalb wa dha'fan fil badan wa dhiqan fi rizq wa bughdan fi qulub al ibad. Et les péchés sont certes une noirceur dans le visage, noircissent le cœur, les ténèbres dans le cœur, naam, une faiblesse dans le corps, une diminution dans la subsistance, et l'inimité ainsi que la haine dans le cœur des serviteurs. Voici une courte citation des effets des péchés. Et pour celui qui veut lire dans ça, subhanallah, après le Coran et la Sunna, il lit dans Ad-Da'u Ad-Dawa, bien Jawab al-Kafi de l'Allama, Ibn al-Qayyim, et Wallahi, يعني ما أدري من ألف خيرا من هذا في هذا الباب. Ibn al-Qayyim a cité de nombreux effets découlant des péchés. Pour toute personne arabophone, revenez au livre Mada, la maladie et son remède. Et Inch'Allah, si Allah nous facilite, vous me faites penser, Inch'Allah, on lira quelques passages. Na'am. Donc, lorsque tu dis Astaghfirullah, voici le sens. Ça y est. Vous avez retenu les trois choses. Qu'est-ce qui nous les rappelle? Lorsqu'on lui donne un bienfait, il se montre reconnaissant. Lorsqu'il est éprouvé, il se montre endurant. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il se montre repentant. Ou il demande pardon. D'accord? Vous voyez, c'est... Ensuite, l'auteur nous dit, فَإِنَّ هَا أُولَٰئِ الثَّلَافِ. Donc, ces trois choses, عُنْوَانْ السَّعَادَ, sont عُنْوَانْ السَّعَادَ, عَلَامَةُ السَّعَادَ, وَأَصْلُ السَّعَادَ, وَالسَّعَادَ كُلُّهَا تَرْجِعِ إِلَى هَذِي الْمَعَانِ الثَّلَافِ. Donc, c'est la base du bien. Et le bien tout entier revient à l'une, à ces trois bases. Voyez, le serviteur fid-dunya, si vous méditez, ne sort pas de ces trois situations. Soit Allah Azza wa Jal lui donne des bienfaits, alors il doit être comment? Reconnaissant. Soit il est éprouvé, alors il doit faire quoi? Il doit endurer. Il doit se montrer endurant. Et après avoir enduré, peut-être qu'il peut être, il peut tomber dans le péché, et à ce moment-là, il devra être comment? Il devra demander pardon à Allah Tabaraka. Celui qui à chaque fois se trouve dans une de ces trois situations, sachant qu'on ne peut sortir de ces trois situations, de jour comme de nuit, on baigne dans les bienfaits d'Allah. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nous enseigne dans le Coran qu'une des sagesses de notre création, c'est l'épreuve. Donc tu ne sors pas de l'épreuve. Bil khayr wa shar fi fitna. Et tu n'es pas madha. Un faillite, tu es sujet à l'erreur. Tu es fauteur, pécheur. Donc, celui qui, dans ces trois situations, endure, est reconnaissant et demande pardon à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Fahakir Khatan, il a réuni les causes du bonheur. Il a réuni les cautions. Al-Sheikh Abdelrazak, celui de qui j'ai pris beaucoup du charah, dit, on ajoute un quatrième point, al-tawhid. Al-tawhid. D'accord? En vrai, ça rentre dans mes, il y a Ahmiyati, on le cite. Puis il a cité un athar de Abdullah ibn Amr al-As en lui disant, farihtu kathiran. Al-Sheikh dit, je me suis réjoui, j'ai été énormément heureux lorsque j'ai trouvé ce athar. D'accord, un athar de Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel il a cité ces quatre points, hein, dans lequel il nous dit qu'on aura goûté au bonheur, taïb, et puis il cite ces quatre points, subhanallah. Quand on lui donne un bienfait, il se montre reconnaissant. Dans l'épreuve, il est endurant, et quand il fait un péché, il demande pardon à Allah. Taïb, et il y avait aussi at-tawhid. Donc, sans ces choses-là, tu ne peux trouver le bonheur. Et combien, tout le monde cherche le bonheur, Allah. Même ceux qui volent, qui transgressent les limites d'Allah, même ceux qui font al-shirk al-akbar, en prétendant que ce sont des awliya qui vont intercéder pour eux chez Allah, même ceux qui égorgent pour autre qu'Allah, même ceux qui vont voir les voyants et les sorciers, les kafara, même eux cherchent le bonheur à travers ça. Subhanallah. Ceux qui commettent des péchés, ceux qui boivent de l'alcool, recherchent. Ben, le bonheur, il est là. Idha u'tiya shakar, wa idha abtuliya sabar, wa idha adnaba astaghfar. Celui qui a ce comportement-là, il aura le bonheur fi dunya, et il aura le bonheur fi l'akhir, lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. La personne donc, ici, Shir, nous attire notre attention, nous enseigne cela, mais il faut qu'on le garde après, dans ta vie. Il faut que tu aies ce comportement. Enseigne cela à tes proches, pas, yani, propage ces comportements autour de là, autour de toi, pardon. Tu dois faire des efforts pour toujours avoir ce comportement. Taïb, à chaque fois que tu fais du dhikr, tu remercies Allah, tabaraka wa ta'ala, tu te rappelles de ses bienfaits. Tu sais que tu es dans une épreuve, tu endures, tu fais des efforts. Mais subhanallah, tu n'es pas infaillible. Tu n'es pas infaillible, tu es sujet à la faute. Lorsque tu tombes dans le péché, est-ce que tu dois désespérer de la miséricorde d'Allah? Là, wallah. Rappelle-toi que tu as un Seigneur, un Maître, et qui a vu ce que tu as fait. Mais rappelle-toi que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est arham ar-rahim. Wasi'at rahmati kullash. Wa rahmati wasi'at kullash. Et Allah nous dit, et ma miséricorde embrasse toute chose. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ashaddu farah, mimmada, min rajulin, faqad rahilat, ma'azadih. ثم وجدها من جديد. Rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal se réjouit encore plus de ton repentir qu'une personne qui était avec sa monture et ses provisions, puis qu'il les a perdues. Ensuite, il est parti, yani comme ayant désespéré, et c'est alors qu'il les retrouve. Allah Azza wa Jal se réjouit du repentir de son serviteur encore plus que cette personne. Donc rappelle-toi que tu as un Seigneur qui pardonne les péchés, qui aime pardonner à son serviteur. Un Seigneur dont la miséricorde a devancé sa colère. Allah tabaraka wa ta'ala aime te voir t'humilier devant lui. Il aime que tu lui demandes le pardon, que tu l'invoques, que tu témoignes de ta faiblesse devant lui et que tu lui demandes le pardon pour tes péchés. Au point où dans le hadith Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Yabna Adam, law lam tudhnibu » ou bien plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ou c'est un hadith Qudusi, na'am. Na'am. C'est un hadith tayyib. Le love بالضبط. طيب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بخلق آخر أو بآخرين يذنبون فيستغفرون ويغفر الله فيغفر الله لهم. طيب فيغفر الله لهم. Le prophète sallam nous dit, والله si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait amené d'autres personnes qui commettent des péchés, lui demandent pardon afin qu'il leur pardonne. Ça nous montre quoi? combien Allah aime pardonner à son serviteur. Et dans l'autre hadith, أذنب يعني إن عبدا أذنب ثم استغفر. Il y a un serviteur qui a fait un péché et lui a demandé pardon à Allah. قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت له ثم عاد فأذنب فقال استغفر الله فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقال يعني فغفر الله له وتكرر ذلك في النهاية قال اعمل ما شئت قد غفرت لك سبحان الله. Un homme a fait un péché, puis il a demandé pardon à Allah. Allah a dit, mon serviteur a su qu'il avait un maître, un seigneur, qui châtie pour les péchés et qui pardonne les péchés. Alors je lui ai pardonné. Puis il est retombé dans le péché, celui-ci ou un autre, Allahu A'lam. Puis il a regretté, a demandé pardon à Allah. Allah a dit, mon serviteur a su qu'il avait un maître qui prenait pour les péchés, qui châtiait pour les péchés, ou plutôt qui pardonnait pour les péchés. Na'am. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis il est retombé dans un péché. Yani il fait tawbah, il demande pardon. Il fait jihad al-nafs, puis il faiblit et tombe dans le péché. Mais il se rappelle qu'il a un Seigneur qui pardonne pour les péchés et qui châtie les péchés. Alors il revient vers Allah et lui demande pardon. Allah dit, l'état dans lequel il est, alors je vais pardonner. Mais ensuite il retombe dans le péché, subhanallah. Salam. Puis il demande pardon. Allah dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Puis il dit, subhanallah, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. الشيخ حفظه الله تعالى عبد الرزاق البدر nous dit attention, c'est à dire tant que tu es dans cet état, يعني tu as peur d'Allah, tu fais des efforts pour pas tomber dans le péché, mais quand tu faiblis, tu fais un péché, tu reviens vers Allah, tu demandes pardon, tant que tu es comme ça, Allah te pardonne. Tant que tu es comme ça, Allah te pardonne, et tu dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Personne d'entre nous est infaillible. Ça. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est pécheur. Et le meilleur de ceux qui demandent pardon, le meilleur des pécheurs est celui qui demande pardon. Est celui qui se repent. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc la personne ne doit cesser d'avoir cette bonne opinion d'Allah Tabarak. Et cette bonne opinion va te pousser à délaisser le péché, non pas rester dans le péché. Tu dois être entre l'espoir et la crainte. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla, tu espères qu'il accepte ton pardon, et tu fais tout, tu endures pour ne pas tomber dans le péché. Et si jamais tu faiblis et tu tombes dans le péché, rappelle-toi que tu as Allah qui pardonne tous les péchés. Et aucun péché n'est trop lourd pour Allah, ni trop dur pour être pardonné. Tu lui demandes et il te pardonne, bi'idnillah. Nas'Allah yaghfira lana. Wa li shaykh محمد بن عبد الوهاب ولشيخ عبد الرزاق وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ابن القيم رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرزاق reprend de ses paroles, nous dit subhanallah, le péché par moment ça peut être une ni'ma ou peut découler de cela des bienfaits qui n'auraient pas apparu sans ce péché. La personne commet un péché et ça lui ouvre énormément de portes du bien. Pourquoi? Elle se rappelle son péché. Elle a honte d'Allah. Elle a honte du regard d'Allah. Alors elle se met à invoquer Allah. Elle se met à demander pardon à Allah, tabaraka, et à faire énormément d'istighfar Toutes ces actions, il ne les aurait pas faites sans le péché qu'il a commis. Donc pour lui, ce péché devient en réalité un bienfait. Au point où Shaytan se dit, malheur à moi, si seulement je l'avais laissé dans la bonne action. Et à lui, ce péché-là lui a ouvert tellement de portes de bien que Shaytan regrette de l'avoir fait tomber dans ce péché. Il fait de l'istighfar. Il se repent à Allah tabaraka wa ta'ala. Il multiplie les bonnes actions, il multiplie les invocations. Au point où ce péché devient une cause pour qu'il entre au paradis. Il ne cesse d'avoir ce péché entre ses deux yeux. D'avoir honte d'Allah. De s'humilier devant Allah. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui prenne en chemin vers Jannah. Donc ça, c'est des ma'ani azim. Al-istighfar, babun azim jiddan. Al-istighfar, la demande de pardon, c'est une porte immense dans l'adoration. On en a besoin tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple dans cela. Abu Huraira nous dit, je n'ai jamais vu quelqu'un faire plus d'istighfar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Comment est-ce que nous, on pourrait alors être distrait, na'am, de cela? Tayyib, bonne nouvelle à celui qui arrive yawm al-qiyam et qui trouve dans cette feuillette beaucoup d'istighfar. L'istighfar, c'est la cause de tout le bien dans ce bas monde dans le-delà. Dans ton dîn et dans ta dunya, c'est la cause pour avoir la pluie, c'est la cause pour avoir des richesses, c'est la cause pour avoir des enfants. Lisez surat Nuh et vous trouverez cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vie remplie d'istighfar, alors que c'était la personne, elle qui était ma'soum, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, il faisait énormément d'istighfar. Et avec cela, une fa'ida azima jiddan. Cheikh cite, il dit, sa vie était remplie d'istighfar, wa khatama hayatahu bil istighfar. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam a une vie remplie d'istighfar. Et en plus de cela, il a fini sa vie avec mada al-istighfar. Comme dans le hadith de Aisha radiallahu anha. طيب, elle nous dit, mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna sadri wa nahri. Wa huwa yaqul, Allahumma ghfirli wa alhiqni bir rafiq al-a'la. عائشة رضي الله عنها nous dit une faïda azima jiddan. Elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors qu'il était, comment est-ce qu'on va traduire, بين صدري ونحري, يعني alors qu'il était sur moi. يعني الصدر c'est la poitrine, النحر يعني ما أدري, j'ai un doute sur la traduction. Alors qu'il est, donc il était sur عائشة رضي الله عنها طيب au moment de décéder, il a dit, et c'est sa dernière parole sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ghfirli, ou Allah pardonne-moi, wa alhiqni bir rafiq al-a'la. Tayyib. Donc ici c'est des da'awat azima jiddan min al-allama shaykh rahimahullahu ta'ala. Fanas'Allah at-tawfiq wa sadat. Et c'est donc le signe de la réussite. Ay alama as-sa'ada. Yani bi hadhihi al-umur al-thalatha tanal as-sa'ada bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. طيب. J'ai retrouvé le athar de Abdullah ibn Amr. Il dit arba'un من كنا فيه بنى الله له بيتا في الجنه. Quatre choses, celui qui les réunit, celui qui les a, Allah lui construit une, lui construira ou lui construit une maison au paradis. من كان عصمه امره لا اله الا الله واذا اصابته المصيبه قال ان لله وانا اليه راجعون. وَإِذَا أُعْتِيَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. أربع من كنا فيه بنى الله له بيتا في الجنة من كان عصمة أمره لا إله إلا الله وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا أعطاه الله شيئا قال الحمد لله وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. Donc Abdullah ibn Amr dit quatre choses. Celui qui les a, Allah lui construit une maison. La chose à laquelle il s'accroche, La ilaha illallah. Lorsqu'il est éprouvé par une épreuve, dit, c'est à Allah que nous appartenons, c'est vers lui que se fera notre retour. Lorsqu'Allah lui donne une chose, il dit Alhamdulillah. Et lorsqu'il commet un péché, il dit Astaghfirullah. Donc, nous sommes étalés dans ces trois points, qu'à haqiqatan, yani comme a dit l'auteur, ce sont les clés, les bases et les signes de la réussite. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته. Sache qu'Allah te dirige vers son obéissance. Encore une fois, une dua du shaykh rahimahullah ta'ala. I'lam kalimatun tuzkar 'inda dhikri al-ashya' al-muhimma. Wa huwa fi'lu amr min al-'ilm. Tayyib. Wal murad ya'ni kun mutahayyi'an mutafahhima. طيب لما سيلقى إليك فإنه في غاية الأهمية. Donc sache, c'est un verbe à l'impératif, demande de la science, na'am. On cite cette parole en arabe pour attirer l'attention de la personne, car ce qui va suivre a la plus grande importance. Par exemple, Allah dit dans le Coran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ لَكُمْ. Sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'eux. وَعْلَمْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. Et sachez que vous allez le rencontrer. Donc, lorsqu'on dit إِعْلَمْ, c'est que ce qui suit est très important. Donc, concentrez-vous et écoutez. Et Cheikh a cité ça ici car elle va nous expliquer الحنيفية التوحيد. D'accord, la voix d'Ibrahim عليه السلام. أرشدك الله الرشد طاعة الله ورسوله. الرشد, la droiture, c'est quoi? C'est le fait d'obéir à Allah et au messager صلى الله عليه وسلم. الطاعة إذا أضيفت إلى الله عز وجل ترادف العبادة وإذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر وترك النهي. أرشدك الله نعم. Et parmi ce qui montre cela, le hadith, ماذا عند أظن عند مسلم من يطع الله والرسول فقد رشد. طيب نعم عند مسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد. Dans un hadith, celui qui obéit à Allah et son messager pourra observer le chemin de la droiture. Non. Taïe. Et pour être droit, il te faut connaître le bien et l'appliquer. I'lam arshadak Allah li ta'ati. Sache qu'Allah t'accorde la droiture, donc qu'il te guide sur son obéissance et l'obéissance du prophète sallam. أرشدك الله بطاعتي إذن الطاعة امتثال الأمر وترك النهي. وأن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. طيب sache qu'Allah te dirige vers son obéissance, que الحنيفية est la voix d'Ibrahim. الحنيفية مأخوذة من الحنف. وقد ذكرت في دروس مضت الحنف وبعد النظر في كتب أهل العلم وجدتها بفتح الحاء طيب فتراجع عن هذا إلى أن أجد ما ذكرت. دونك الحنيفية سي بري دو مو الحنف بمعنى الإقبال، ومن فسره بالميل فسره باللازم فلا إشكال. دونك الحنيفية سي بري دو مو ان عرب الحنف. Et dans des cours passés, je disais Al-Hinf. Al-Hinf. Mais en revenant au livre des savants, j'ai trouvé que Al-Hanaf. Je n'ai pas trouvé Al-Hinf. Donc je reviens sur cette parole, tant que on ne trouve pas dans la parole des savants que cela est également bon dans la langue. Et Al-Hanaf, c'est Al-Iqbal. C'est le fait de se diriger vers une chose. C'est le fait de se diriger vers une chose. Donc forcément de s'éloigner d'une autre. Wa shar'an al-hanif man huwa huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'an ma siwa kama qala al-'allama ibn al-qayyim. Donc al-hanif, comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est celui qui se dirige entièrement vers Allah et se détourne de tout autre que lui. Voici al-hanif. Donc al-hanifiyya, en vrai, c'est un synonyme du tawhid. C'est un synonyme du at-tawhid. Na'am. وإبراهيم وطيب والملة الملة الدين لما أرسل الله به رسله ليعبد الملة c'est la religion d'Ibrahim ملة إبراهيم voici الحنيفية.